Madame de Maintenon, 1635-1719. Il y a deux personnes dans Madame de Maintenon, la femme et l'écrivain. Selon que l'on regarde l'une ou l'autre, il faut la réprouver ou l'admirer. La femme est parfois haïssable. L'écrivain, en revanche, est irréprochable. On n'a qu'à le louer, et littérairement parlant, l'on ne peut guère se défendre de l'aimer. Tant de qualités réunies, une raison saine, un tour d'esprit accompli, une langue pure, concise, éloquente au besoin, dans sa simplicité naturelle, ont droit à la plus sérieuse estime. Nous croyons inutile de nous arrêter à relever des mérites hautement appréciés aujourd'hui. Il est plus intéressant de chercher dans cette vaste correspondance des témoignages du caractère et de la pensée intime de Madame de Maintenon. Nous trouverons chez l'écrivain des raisons de prendre de la femme elle-même une opinion plus favorable que celle qui a cours. Le premier recueil des lettres de Madame de Maintenon parut 15 ans après sa mort en 1737. La Baumel, éditeur, a certainement eu entre les mains, comme il l'affirme d'ailleurs, les manuscrits de ces volumineuses correspondances précieusement conservées par les dames de Saint-Louis. On sait qu'il ne craignit pas de faire subir au texte des altérations de tout genre, mais ce tort très grave est en partie compensé par le service qu'il a rendu en nous le révélant. Il y a même un certain nombre de ces lettres que nous ne connaissons que par lui et dont l'original est maintenant perdu. Le lecteur doit donc se défier beaucoup de cette édition si défectueuse, mais il ne peut se dispenser de la consulter jusqu'au jour où M. T. Lavallée nous donnera le complément, impatiemment attendu et depuis longtemps promis, de l'excellente publication commencée par lui avec tant de conscience et de lumière. Le recueil de la Baumel ne contient pas de lettres antérieures à 1678. Nous n'avons donc de témoignage direct de Madame de Maintenon sur elle-même qu'à partir de sa jeunesse. Mademoiselle d'Aubigné, Madame Scarron, n'ont laissé aucune trace dans cette correspondance telle qu'elle nous est parvenue. Nous avons à regretter certainement les lettres qu'à 17 ans elle écrivait de Poitou à ses amis de Paris et qui firent à son esprit une réputation égale à celle de sa beauté. Nous ne pouvons qu'en croire sur parole les contemporains quand ils nous vantent cette première vivacité, ce pétillant enjouement qui donnait tant d'attrait à sa conversation, comme à son commerce épistolaire. À la date où nous la montre le début du recueil de la Baumel, elle est veuve. Elle a traversé bien des épreuves, subi bien des déceptions. Il ne lui reste de son enjouement qu'un certain agrément discret mais réel qui tempère la sévérité habituelle de ses pensées et de son langage et qu'elle gardera jusqu'à la fin. Elle ne rit plus, désormais. Elle se permet seulement par instant un demi-sourire. Si l'on excepte quelques lettres d'un intérêt secondaire adressées à des personnages de haut rang tels que le maréchal d'Albret, la correspondance générale de Madame de Maintenon ne nous révèle rien de son influence politique, qui, pour ne s'être exercée que dans le cercle étroit de l'intimité royale, n'en a pas moins été, quoi qu'on puisse dire, active et efficace. Aussi, ce n'est point là qu'il faut la chercher. C'est dans ses relations avec les humbles amies, confidentes de ses pensées les plus secrètes, les dames de l'Institut de Saint-Louis, parmi lesquelles se recrutait, comme on sait, le personnel de la maison de Saint-Cyr. On sait ce qu'était Saint-Cyr. Pour Madame de Maintenon, ce n'était pas seulement le refuge où elle venait se délasser des fatigues de la représentation perpétuelle à laquelle la condamnait son rôle pseudo-royal. C'était sa création, l'œuvre où elle avait mis l'unique ambition de sa vieillesse, la retraite où elle pouvait satisfaire à plaisir son goût d'enseignement et de gouvernement. En un mot, l'instrument du projet, dès lors chimérique, que son esprit si net, si positif d'ailleurs, avait toujours caressé. Former des femmes chrétiennes capables de perpétuer les principes religieux dans toute leur pureté au sein des familles nobles du royaume. Aussi les appelait-elle ses enfants et se vouait-elle à leur éducation, à leur salut, avec toute la passion dont elle était capable. Les dames de Saint-Louis qui dirigeaient la maison de Saint-Cyr étaient, pour la plupart, des personnes distinguées par le mérite ou la vertu. C'est parmi elles que Madame de Maintenon avait formé quelques-unes de ces amitiés de supérieur à inférieur qui comportent parfois la confiance poussée jusqu'à l'entier abandon. Parle-t-on des entretiens qui nous ont été conservés avec le même soin religieux que les lettres, on peut voir à quelle familière confidence elle se laissait aller au milieu des pensionnaires et surtout des dames de Saint-Cyr. On y trouve les plus curieuses allusions à elle-même, à son passé, à la cour, au roi, au dégoût de cette vie solennelle, toute d'étiquette et d'apparat, où il lui fallait périr en symétrie. Quoique plus réservée, la correspondance renferme maints détails du même genre. Elle nous donne surtout une idée fidèle des principes de la piété, non pas ardente ni rigide, mais exacte et pratique, dont elle eût voulu imposer le niveau à toutes les âmes. Utopie dont elle fit pour plusieurs des dames qui vivaient sous sa main et dans sa dépendance une douloureuse réalité. Il faut distinguer entre toutes comme la plus touchante victime de ce fanatisme raisonné, Madame de Glapion, dont il est facile de recomposer en imagination le ravissant portrait avec les traits épars çà et là dans les lettres de Madame de Maintenon. C'était une nature à la fois ardente et langoureuse, rebelle dans le principe à toute discipline, et que la fondatrice de Saint-Cyr parvint pourtant à ployer au joug de la règle, mais en la brisant. Au prix de quelle longue lutte, de quelle violente torture, c'est ce que les lettres de Madame de Maintenon nous laissent entrevoir. Celles de Madame de Glapion sont malheureusement perdues. Tel est pourtant l'accent de dévouement sincère, de conviction profonde, qui éclate à chaque ligne de ces lettres où Madame de Maintenon s'efforce d'arracher une femme pauvre et belle aux périls et aux tentations du monde, complaint Madame de Glapion sans accuser de cruauté sa sévère amie. Dans cette lutte inégale, la volonté la plus forte devait dompter la plus faible, et Saint-Cyr finit par conquérir entièrement cette nature, tendre, facile, d'une candeur et d'une simplicité d'enfant, mais étrangement triste et rêveuse, qui avaloit à longs traits les objets mélancoliques et ressembloit à une âme du purgatoire. De toutes les correspondantes de Madame de Maintenon, celle-ci est la plus remarquable, mais plusieurs autres mériteraient une mention particulière. Mesdames de Vélan et du Pérou, par exemple, mais surtout Madame de Maisonfort, nature moins distinguée que Madame de Glapion, quoique plus vive, plus éprise des choses de l'esprit, mais également réfractaire à la discipline du cloître, et qui fut également domptée. Avec chacune de ces dames, Madame de Maintenon sait prendre le ton qui convient le mieux, soit sévère, soit tempéré, parfois même enjouée. La lettre célèbre sur la prise de Dinan, que nous citons plus loin, donne une idée de la familiarité à laquelle cette femme, qu'on se figure si austère, ne craignait pas de s'abandonner avec ses humbles amis. Dans les lettres et entretiens sur l'éducation des filles, elle montre constamment la plus exacte connaissance du cœur et de l'esprit de celle qu'elle a pris la tâche de gouverner, en même temps qu'une intelligence réelle des besoins de leur âge. C'est ainsi qu'elle recommande aux dames de Saint-Louis de ne pas s'inquiéter de la vivacité de leurs jeunes élèves, et, si vous voulez, de leur légèreté. Elles passent si vite, on devient si fort sérieux. L'âge, les affaires, les chagrins modèrent bientôt cette joie de la jeunesse. Chacun l'a éprouvé en soi-même. Elle veut que la piété qu'on leur inspirera soit gaie, douce, libre. Et avec une sollicitude active, prévoyante, infinie, elle entre dans les plus petits détails. Elle a des instructions sur tout sujet, sérieux ou léger. Son enseignement s'étend des vertus aux bienséances, et quel que soit le sujet de ses entretiens familiers, elle y porte la même finesse, la même rectitude de jugement. Si cet enseignement descend quelquefois jusqu'à la puérilité, il s'élève parfois en revanche jusqu'à la grandeur. Jalouse de donner à la noblesse des femmes et des mères qui prennent à cœur le service du roi, elle tient par exemple ces jeunes filles au courant des nouvelles de l'armée pendant les désastreuses années de guerre qui suivirent l'ouverture de la succession d'Espagne, et selon que les courriers arrivés à Versailles annoncent des succès ou des revers, elle les associe tour à tour à sa joie ou à sa tristesse. Ce sentiment de patriotisme que M. T. Lavallée a mis en pleine lumière éclate avec bien plus de force encore dans les lettres au duc de Noailles, le plus intime confident des pensées de Madame de Maintenon. C'est là qu'il faut voir quel contre-coup profond et douloureux avait dans son cœur chacun des désastres qui se succédaient à la frontière. Cet esprit si net et si pénétrant ne se faisait aucune illusion sur les hommes médiocres aux mains desquels était confié le sort de la France. « Je voudrais, écrivait-elle au duc, que nos ennemis craignissent nos généraux autant que je les crains moi-même. Je ne vois que des courtisans et pas un capitaine. » Sous le coup de ces grandes douleurs, sa piété même s'attendrit, se fait plus large, plus humaine. En 1708, après la malheureuse campagne de Flandre, elle était restée plusieurs jours plongée dans une grande tristesse. Pour se dissiper, elle ne trouva rien de mieux que d'aller catéchiser les enfants d'un petit village situé près de Fontainebleau, où elle séjournait alors. Son visage devenait parmi eux d'une gaieté admirable qui changeait en rentrant à la cour. Nous devons ce curieux témoignage à Mademoiselle d'Aumale, qui avait succédé auprès de Madame de Maintenon à Madame de Quélus. Elle le complète dans une lettre adressée à Madame de Glapion par le récit vraiment piquant d'une visite qu'une foule de ces petites paysannes d'Avon viennent faire à leur maîtresse d'école. Celle-ci leur fait fête, assiste à leur déjeuner, les renvoie, comblés de ses largesses. « Il y a de ces enfants-là qui pleurent de tendresse en voyant Madame », ajoute Mademoiselle d'Aumale. Ainsi, Saint-Cyr ne suffisait pas à Madame de Maintenon, tant elle recherchait partout et toujours l'occasion d'être utile. Le goût d'enseigner avait sans doute une grande part au bonheur qu'elle éprouvait à s'entourer de ses pauvres et de ses petits. Mais cette activité bienfaisante répondait aussi sans nul doute à un autre sentiment dans le cœur de celle qui, parmi les maximes qu'elle ne dédaignait pas d'écrire en guise d'exemple sur le cahier d'écriture des jeunes élèves de la classe bleue ou de la classe verte, avait écrit la suivante « Le plus grand de tous les plaisirs est d'en pouvoir faire ». C'est encore dans ce rôle de mentor, de directrice laïque, si j'ose dire, que nous la montrent ses lettres à Madame de Quélus, sa charmante nièce. Lettres inédites dont la bibliothèque impériale possède le manuscrit. Ce n'est plus à une pensionnaire qu'elle s'adresse ici, mais à une jeune femme qu'un mari indigne d'elle laisse exposer à toutes les séductions. Parmi ces 164 lettres, nous n'en avons pas toutefois trouvé une seule qui nous parut mériter d'être jointe à celle que nous citons. C'est qu'en général, le ton de la correspondance de Madame de Maintenon, en raison même des qualités judicieuses et tempérées qui la recommandent, a quelque chose d'égal, d'uniforme, qui exclut les passages saillants, si précieux pour un recueil comme le nôtre. Ce qui domine et frappe le plus l'attention, c'est ce langage doux, juste, en bons termes, et naturellement éloquent et court, qu'un ennemi, Saint-Simon, a été le premier à louer hautement. Ce caractère de brièveté et de concision heureuse ne lui est commun qu'avec Madame de Lafayette, ajoute avec raison M. Sainte-Beuve. Comme écrivain épistolaire, Madame de Maintenon vient immédiatement au second rang, après Voltaire et Madame de Sévigné. Non seulement sa vaste correspondance est un des monuments les plus curieux au point de vue de l'histoire que nous ait laissé le XVIIe siècle, mais elle est d'une inestimable valeur comme témoin de la langue, si j'ose dire. Madame de Maintenon marque, entre le XVIIe et le XVIIIe siècle, un moment de transition qu'aucun autre écrivain ne représente au même degré, avec d'aussi éminentes qualités. Le style, encore ample chez elle, va, chez ses plus proches successeurs, se raffiner et se dessécher. Fontenelle et Madame de Staël-Delaunay ne sont pas loin. Madame de Maintenon à Madame de Glapion. Ce 9 novembre 1702. Il ne vous est pas mauvais de vous trouver dans le trouble et dans l'inquiétude des petits esprits embrouillés. Vous en serez plus humble et vous sentirez par votre expérience que nous ne trouvons nulle ressource en nous, quelque esprit que nous ayons. Vous ne serez jamais contente, ma chère fille, que lorsque vous aimerez Dieu de tout votre cœur. Je ne vous dis pas ceci par rapport à la profession où vous êtes engagée. Salomon nous a dit il y a longtemps qu'après avoir cherché, trouvé et goûté de tous les plaisirs, il confessait que tout n'est que vanité et affliction d'esprit. Or, aimer Dieu et le servir. Que ne puis-je vous donner mon expérience? Que ne puis-je vous faire voir l'ennui qui dévore les grands et la peine qu'ils ont à remplir leur journée? Ne voyez-vous pas que je meurs de tristesse dans une fortune qu'on aura peine à imaginer, et qu'il n'y a que le secours de Dieu qui m'empêche d'y succomber? J'ai été jeune et jolie, j'ai goûté des plaisirs, j'ai été aimée partout. Dans un âge un peu plus avancé, j'ai passé des années dans le commerce de l'esprit. Je suis venue à la faveur, et je vous proteste, ma chère fille, que ces états laissent un vide affreux, une inquiétude, une lassitude. une envie de connoître autre chose, parce qu'en tout cela, rien ne satisfait entièrement. On n'est en repos que lorsqu'on s'est donné à Dieu, mais avec cette volonté déterminée dont je vous parle quelquefois. Alors, on sent qu'il n'y a plus rien à chercher, qu'on est arrivé à ce qui seul est bon sur la terre. On a des chagrins, mais on a une solide consolation et une paix au fond du cœur, au milieu des plus grandes peines. Mais vous me direz, se peut-on faire dévote quand on veut ? Oui, ma chère fille, on le peut, et il ne nous est pas permis de croire que Dieu nous manque. Cherchez, vous trouverez. Heurtez à la porte, et on vous l'ouvrira. Ce sont ses paroles, mais il faut chercher avec humilité et simplicité. Saint Paul pouvoit bien en savoir plus qu'Ananias. Il va pourtant le trouver, et apprend de lui ce qu'il faut qu'il fasse. Vous ne le saurez jamais par vous-même. Il faut vous humilier. Vous avez un reste d'orgueil que vous déguisez à vous-même sous le goût de l'esprit. Vous n'en devez plus avoir, mais vous devez encore moins chercher à le satisfaire avec un confesseur. Le plus simple est le meilleur pour vous, et vous devez vous y soumettre en enfant. Comment surmonterez-vous les croix que Dieu vous enverra dans le cours de votre vie si un accent normand ou picard vous arrête, et si vous vous dégoûtez d'un homme parce qu'il n'est pas si sublime que Racine ? Il vous aura édifié, le pauvre homme, si vous aviez vu son humilité dans sa maladie et son repentir sur cette recherche de l'esprit. Il ne chercha point dans ce temps-là un directeur à la mode. Il ne vit qu'un bon prêtre de sa paroisse. J'ai vu mourir un autre bel esprit qui avoit fait les plus beaux ouvrages que l'on puisse faire et qui n'avoit pas voulu les faire imprimer, ne voulant pas être sur le pied d'auteur. Il brûla tout et il n'est resté que quelques fragments dans ma mémoire. Ne nous occupons point de ce qu'il faudra tôt ou tard abjurer. Vous n'avez encore guère vécu, et vous avez pourtant à renoncer à la tendresse de votre cœur et à la délicatesse de votre esprit. Allez à Dieu, ma chère fille, et tout vous sera donné. Adressez-vous à moi tant que vous voudrez. Je voudrai bien vous mener à Dieu, je contribuerai à sa gloire, je ferai le bonheur d'une personne que j'ai toujours aimée particulièrement, et je rendrai un grand service à un institut qui ne m'est pas indifférent. Madame de Maintenon à Madame de Vélan, Dinan, 28 mai 1692. Imaginez-vous, madame, qu'hier, après avoir marché 6 heures dans un assez beau chemin, nous vîmes un château bâti sur un roc qui nous parut inaccessible et si peu étendu que nous ne comprenions pas que nous puissions y loger, quand même on nous est au roi guindé. Nous en approchâmes fort près, sans y voir aucun chemin habité, et nous vîmes enfin, au pied de ce château, dans un abîme, et comme on verroit à peu près dans un puits fort profond, les toits d'un certain nombre de petites maisons qui nous parurent pour des poupées, et environnées de tous côtés de rochers affreux par leur hauteur et par leur couleur. Ils paroissent de fer et sont tout à fait escarpés. Il faut descendre dans cette horrible habitation par un chemin plus rude que je ne puis dire. Tous les carrosses faisoient des sauts à rompre tous les ressorts, et les dames se tenoient à tout ce qu'elles pouvoient. Nous descendîmes après un quart d'heure de ce tourment, et nous nous trouvâmes dans une ville composée d'une rue, qui s'appelle la Grande, et où deux carrosses ne peuvent passer de front. Il y en a de petites, où deux chaises à porteurs ne peuvent tenir. On y voit goutte, les maisons sont effroyables, et Madame de Villeneuve y auroi quelques vapeurs. L'eau y est mauvaise, le vin rare, les boulangers ont ordre de ne cuire que pour l'armée, de sorte que les domestiques ne peuvent trouver du pain. Les poulets en plumes valent 30 sous. La viande 8 sous la livre est très mauvaise. On porte tout au camp, il y pleut à verse depuis que nous y sommes. Et on nous assure que si le chaud vient, il est insupportable par la réverbération des rochers. Je n'ai encore vu que 2 églises. Elles sont au premier étage, et on n'y saurait entrer que, par civilité, on ne vous dise un salut avec une très mauvaise musique, et un encens si parfumé, si abondant et si continuel qu'on ne voit plus par la fumée, il y a peu de têtes qui puissent résister. D'ailleurs, la ville est crottée à ne pouvoir s'en tirer, le pavé pointu a piqué les pieds, et les rues étroites où les carrosses ne sauront passer tiennent, je crois, lieu de privé pour tout le monde. Suzon assure que le roi a grand tort de prendre de pareilles villes et qu'il faudra ne les pas plaindre aux ennemis. Le siège de Namur va fort bien. On avance et jusqu'à 7 heures, on tue très peu de monde. On espère que la ville sera prise vers le 4 ou le 5 de ce mois. Le château tiendra apparemment davantage. Monsieur le prince d'Orange assure qu'il viendra secourir la place, mais il y a lieu de croire qu'il viendra trop tard. Le roi a la goutte, aux deux pieds, et je vous assure que je n'en suis pas fâché. Un boulet rouge de l'ennemi est tombé dans des poudres au quartier de Monsieur de Boufflers et en a fait sauter 7 000 lieues. Cette belle ville ici trembla du bruit qui se fit, car pour comble d'agrément, on entend le canon du siège. Après cette belle description, ne soyez pas en peine de moi. Je me porte fort bien. Je suis des mieux logés, très bien servis, et voulant bien être où Dieu me met. Je vous embrasse, mes chères filles, toutes en général et en particulier. Il y a d'ici 400 degrés pour monter au château dont je vous ai parlé. Madame de Maintenon à Madame du Pérou. 24 février 1701. Il m'a toujours paru que vous désiriez que j'écrivisse sur les choses qui pourraient être de quelque conséquence dans votre maison. Je mets dans ce rang-là les représentations des belles tragédies que j'ai fait faire pour vous et qui pourront peut-être à l'avenir être imitées. Mon dessein a été d'éviter les mauvaises compositions des religieuses telles que j'en avois vues à Noisy. J'ai cru qu'il était raisonnable et nécessaire de divertir les enfants et je l'ai vu pratiquer dans tous les lieux où l'on en a rassemblé. Mais j'ai voulu, en divertissant celle de Saint-Cyr, remplir leur esprit de belles choses dont elles ne seront point honteuses dans le monde, leur apprendre à prononcer, les occuper pour les retirer de la conversation qu'elles ont entre elles, et amuser surtout les grandes qui, depuis 15 jusqu'à 20 ans, s'ennuient un peu de la vie de Saint-Cyr. Voilà mes raisons pour continuer chez vous les représentations tant que vos supérieurs ne le défendent pas. Mais vous devez les renfermer dans votre maison et ne jamais les faire voir à la grille sous quelque prétexte que ce soit. Il sera toujours dangereux de faire voir à des hommes des filles bien faites et qui ajoutent des agréments à leur personne en faisant bien ce qu'elles représentent. N'y souffrez pas, dis-je, aucun homme, quel qu'il soit, ni pauvre, ni riche, ni jeune, ni vieux, ni prêtre, ni séculier, je dis même un saint, s'il y en a sur la terre. Tout ce qu'on pourra faire, si un supérieur voulait voir ce que c'est en effet que ces pièces, sera de faire jouer les plus petites, comme nous avons fait. Je ne suis pas en peine sur ce que nous fîmes hier. Vous savez comment nous nous sommes embarqués. Mais j'espère, et je vous en conjure, que ce soit la dernière fois. Fin du livre audio, enregistré par Christiane Jehan.